J'tire le penalty de la 90e. Sans plus avoir peur de perdre, comme quand je faisais des culs secs. Avec les cendres de mon verre, je recrache la fumée de ma cigarette. Je préfère bronzer sous les lampadaires. Je trempe de moins en moins devant le distributeur. J'attends les couchers de soleil, les levées de glaive. Tu me revois pointé aux acédiques. Tu vois ma petite gueule chez Pôle emploi. J'ai trop insisté, je veux plus quitter la fête. Je me suis trop vu voler pour descendre des étoiles. Ils veulent des bla bla bla, que je raconte une fast life. Je mens dans les bla bla car quand on me demande mon travail. Je suis un mec normal, j'ai des rêves de gloire, ma peur du vide qui s'exprime quand je parle. Je veux pas quitter la fête, même si je m'amuse pas. Je veux que tu ressentes le goût de mon absence quand je pars. Je conserve les nudes de mes ex, je parle à l'enfoiré du miroir pour m'assurer qu'il y reste. J'ai une boule dans la gorge, j'ai des plans dans la tête. Des nœuds dans mon passé, un bout dans la veste. Trace de sang sur ma cigarette, j'ai fini les regrets de mon gobelet. J'ai fini de deviner que ce que je cherche, c'est un moyen de m'inventer des ailes. J'ai vidé mon verre pour vider ma tête. J'avais pas décidé d'en être, je veux plus quitter la fête. Quitter la fête, quitter la fête. Je veux plus quitter la fête, je veux plus quitter la fête. Quitter la fête, quitter la fête. Quitter la fête, je veux plus quitter la fête. Je sors du banc à la 90e, sans plus avoir peur de jouer. La fumée de mon terre fait des nuages qui me servent plus de bouée. Toi t'attends plus rien de concret. Je me dis qu'il y a plus rien de certain. Moi j'entends plus vos promesses. Je me dis qu'il y a plus rien de très loin. Pas très courageux ma gueule. La fierté ça sert juste à crever tout seul. J'aurais vu trop de dingueries avant de quitter le sol. Si je pleure c'est juste le trop plein qu'il y avait dans mes yeux. Si je fais plus de rap, je crois que je suis foutu ma gueule. Laisse-moi me fracasser la tête sur l'ordinateur. Faut que je devienne quelqu'un, faut que je finisse l'album. Laisse-moi quitter la fête et en brûler le décor. Plus quitter la fête. Quitter la fête, je veux plus quitter la fête.